les Vosges, samedi. Ça lui dit à Hélène Ingré qui vous livrait des bons plans et les coups de cœur vosgiens. Ça vous le dira aussi, auditeur de Radio Caraïbes Nancy sur les 90.7 à Nancy, les samedis à 7h et le dimanche à 6h. Et à vous aussi, auditeur de Radio Gamozo sur les 107 FM à Remiremont les samedis à 8h30. Et pour vous, qui êtes de bonne humeur mais pas de bonheur, retrouvez les Vosges samedi sur les www.rcn-radio.org et sur www.radiogamozo.eu. Bonjour auditrices et auditeurs des Vosges samedi. Eh oui, nous sommes en été. Et qui dit été dans les Vosges, eh ben dit la saison estivale du Théâtre du Peuple à Buisson. Ah ben pour ceux qui ne connaîtraient pas encore ce Théâtre du Peuple, le seul à ma connaissance quasiment en Europe dont la scène peut s'ouvrir sur la forêt. Mais justement, elle va pouvoir nous le dire si c'est la seule. Mais elle va surtout nous parler de la saison 2018, à savoir Madame Héloïse Erhard, donc la chargée de communication du Théâtre du Peuple, que nous avons le plaisir d'avoir au téléphone pour nous présenter cette saison 2018. Bonjour Madame Erhard. Bonjour. Alors, est-ce que, auparavant, mais c'est pas une colle, mais moi j'ai toujours entendu dire que c'était le seul grand théâtre en bois dont la porte, dans la scène, le fond de scène s'ouvrait sur la nature. Est-ce qu'à votre connaissance, il y en a d'autres ? Eh bien, à ma connaissance, c'est le seul et l'unique. Oui, oui. Voilà. Ce fond de scène qui s'ouvre sur la nature. Il y a d'autres théâtres en France et dans le monde qui sont en bois, mais le Théâtre du Peuple est bien l'unique théâtre au monde à avoir un si beau fond de scène. Et quand ça s'ouvre, tout le monde... Enfin, si une fois, je ne sais pas s'il y a une fois, non, je ne pense pas, une programmation qui n'aurait pas permis d'ouvrir ce fond de scène, parce que les personnes, ils attendent cette ouverture de fond de scène. Oui, c'est vrai que c'est très attendu. C'est à chaque fois un moment assez magique, hein, puisque ce fond de scène s'ouvre sur une colline boisée qui est à chaque fois mise en scène de manière complètement différente, selon l'imagination et l'intention des metteurs en scène. Alors justement, l'imagination et l'intention des metteurs en scène de cette saison 2018, quelles sont-elles ? Eh bien, Simon Delétang, pour sa première année, sa première saison d'été à la tête du Théâtre du Peuple, a souhaité créer un grand spectacle qui s'appelle Littoral. Il décide de monter une pièce de Wajdi Mouawad, qui est un peu la superstar du théâtre contemporain. C'est un auteur qui a écrit de nombreuses pièces, qui est aujourd'hui à la tête du Théâtre de la Colline à Paris. Et alors, Littoral, c'est le fameux spectacle de 15 heures qui sera monté avec des artistes amateurs et professionnels. Et donc Littoral, ça raconte l'histoire de Wilfried, un jeune homme qui apprend soudainement la mort de son père, dont il n'avait plus reçu de nouvelles depuis quelque temps, et il décide de partir à la recherche d'un lieu de sépulture pour son père. Et donc dans ce grand voyage, il va faire plusieurs rencontres, il va découvrir le passé de son père, de ses parents, il va découvrir un terrain miné par la guerre, une jeunesse qui pourtant a soif d'espoir, de renouveau. Il va mieux comprendre sa relation à son père, à ses parents. C'est un spectacle, en fait c'est un récit sur les origines, hein, et on est vraiment dans une pièce qui est à la fois du côté du drame et de la comédie. Donc on rit aussi beaucoup, même si l'histoire peut paraître sombre et traite de choses assez sérieuses. Mais il y a beaucoup de moments de légèreté, de fantaisie. C'est un théâtre de pure parole, hein, où la langue est assez accessible. Tout est dans l'histoire, dans le dialogue, les échanges entre les personnages. Et donc ça parle de cette relation entre un père et ce fils, du rapport aussi complexe qu'il existe entre les vivants et les morts. Comment est-ce qu'ils cohabitent? Ça parle aussi de l'héritage de ses parents, de ses grands-parents. Et donc Wilfried va partir sur les traces justement du passé de ses ancêtres, de ses parents, grands-parents, pour mieux les comprendre, mieux se comprendre et aussi finalement construire son identité. Alors, ce spectacle se passera à quelle période ? Eh bien, ce spectacle, vous pourrez le voir du 14 juillet au 26 août. Donc, toutes les dates sont disponibles sur le site internet du Théâtre du Peuple, hein, www.théâtredupeuple.com. Et donc, littoral, on pourra le voir précisément, oui, donc du samedi 14 juillet, c'est la date de la création du spectacle, à 15h. Et la dernière représentation sera donc précisément le samedi 25 août à 15h. Donc c'est la pièce qui se passe en matinée. Quand on dit en matinée, c'est l'après-midi. Hein, oui, donc, voilà. Fait. Mais justement, le programme fourmille d'autres possibilités de se rendre au théâtre, entre autres, peut-être pas exclusivement, mais alors vous allez nous en parler de ce qui est proposé en plus de cette pièce de l'après-midi. Oui, alors en plus de cette pièce de l'après-midi qui parle donc de l'altérité, qui je voulais aussi le préciser, c'est important, c'est une écriture qui est très cinématographique. Simon Delétang, dans sa mise en scène, vous le verrez sur le plateau, s'inspire justement de cette écriture cinématographique. Il y aura quelques éléments spectaculaires. Et alors, pour compléter cette programmation, Simon Delétang a souhaité inviter un autre metteur en scène qui s'appelle Gwenaël Morin et qui viendra donner donc les Molières de Vitesse. Donc Vitesse qui avait mis en scène quatre Molières en 1978 au Festival d'Avignon. Et là, Gwenaël Morin, en fait, s'empare de ces textes, hein, comme une sorte de machine à jouer. Il trouve l'écriture de Molière simple, précise et efficace, efficacement géniale. Et il décide donc de confier les rôles à une équipe de jeunes comédiens. Alors les rôles sont tirés au hasard, donc tirage au sort. Peu importe si les comédiens sont des femmes, des hommes, on ne fait pas attention au sexe des personnages, ni si c'est des personnages principaux ou secondaires. C'est tiré au sort. Et donc ces pièces de Molière, elles seront données. Donc c'est l'École des femmes, Tartuffe, Don Juan et Le Misanthrope. Elles seront données donc en semaine individuellement, et il sera possible aussi de voir l'intégrale de ces quatre pièces pendant plusieurs samedis. Et donc, pour cette pièce, ça se passe dans la grande salle ou dans une salle annexe, parce que les tarifs sont aussi différents en fonction du lieu? Oui, alors là, on est toujours dans la grande salle. Ça sera joué dans la grande salle le soir à 20h. Donc c'est, vous verrez, un travail qui est centré sur l'acteur. Gwenaël Morin centre son travail sur l'acteur, sur le jeu. Il s'encombre ni de décor ni de costume. Les comédiens jouent dans des vêtements du quotidien, des vêtements contemporains, voilà, jeans, basket, en toute simplicité. Et tout est centré sur le texte. Le texte qui sera dit en 1h30, on aura vu la pièce en entier. Et donc tout ça, ça se passe dans la grande salle à nouveau. Alors au niveau des tarifs, c'est vrai qu'ils sont différents en fonction de la place et du siège, en tout cas du banc qu'on occupe au Théâtre du Peuple. Il y a la catégorie 1, donc des places du 1er au 10e rang, puis ensuite la catégorie 2, et enfin les places les moins chères qui sont en tribune. Et puis pour ceux qui, bah c'est un peu le marathon, en partie aussi pour les comédiens, il est proposé donc une intégrale, donc on peut voir toutes les pièces de Molière. Oui, et bien oui, effectivement c'est pour les courageux, les intrépides qui ont envie de faire un marathon, de voir les quatre pièces les unes à la suite des autres. Alors c'est pas tous les jours qu'on a la possibilité de faire ça, donc moi j'encourage vivement chacun à vivre cette expérience. Et donc ça sera possible les samedis 4 août, 11 août et 18 août à 14h jusqu'à environ 21h30, 22h. Et chaque pièce sera entrecoupée d'un entracte pour se dégourdir les jambes, se rafraîchir, manger une tarte aux myrtilles. Voilà, tout ça sera possible au bar du théâtre, dans le jardin s'il fait beau, au soleil ou à l'abri au foyer Pierre Champ. Et puis, il y a aussi des autres petites surprises que vous nous présentez, que vous nous proposez dans cette saison 2018. Oui, en effet. Alors, il y a les surprises, c'est ce qu'on a décidé d'appeler les impromptus. Donc, Simon Delétang a eu envie de proposer des cartes blanches à des artistes qu'il va inviter cet été. Il y aura des comédiens, des auteurs, des metteurs en scène. Et donc, ces impromptus, ce sera des lectures, des rencontres qui vont se dérouler à 13h. Alors, au mois de juillet, ce sera les vendredis, samedis et dimanches. Et au mois d'août, ce sera les jeudis, vendredis et dimanches. Les impromptus ont toujours lieu à 13h. C'est en entrée libre, gratuite. Ça sera sur une scène extérieure et en salle, dans la salle Camille, hein, cet ancien atelier décor qui s'appelle la salle Camille, en hommage à Camille de Saint-Maurice, la compagne du fondateur Maurice Potcher. Et ces impromptus, on pourra donc le public pourra en profiter avant d'assister à la pièce de 15h ou celle de 20h. Sachant qu'à 20h, je vous ai parlé des Molières, mais il y aura aussi une pièce dans la salle Camille, cette petite salle de spectacle. Et alors la salle Camille, elle va accueillir le solo de Simon de l'Étang qui s'intitule Lens. Alors Lens, est-ce que vous en avez déjà entendu parler ? Non. Non ? Est-ce que vous voulez en savoir un peu plus ? Bien sûr. Alors, Simon de l'Étang a créé ce spectacle au mois d'avril dans les Vosges, à l'occasion d'un spectacle en itinérance. Alors, Lens, c'est d'après le texte de Georges Büchner qui raconte le séjour de Lens, un jeune poète qui est venu passer quelques jours dans les Vosges du Nord, dans un petit village alsacien qui s'appelle Waldersbach. Alors, c'est une histoire vraie hein, qui s'est déroulée fin du XVIIIe siècle. Lens est venu passer quelques jours auprès du pasteur Oberlin, qui était un pasteur, un homme très charismatique, très influent dans la région, qui a beaucoup écrit sur la religion, mais aussi la pédagogie, l'économie, la démocratie. Et Lens, qui était un homme qui souffrait de troubles psychologiques, a eu un vrai coup de cœur pour les Vosges, pour cette nature qui est à la fois chaotique et harmonieuse. Plusieurs crises de folie dans lesquelles il décrit justement son rapport à la nature, mais aussi son rapport à l'art. C'est un texte extrêmement poétique. Et Simon de l'Étang le donne, ce texte, l'offre au public pendant une heure, seul sur scène. Alors, le théâtre du peuple, c'est certes toutes ces représentations dont vous venez nous parler, mais c'est aussi ce cadre, et puis cette pelouse, ces terrasses, enfin ces tables avec ces bancs et ces chaises. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des à côté du théâtre, c'est-à-dire ce qui fait la convivialité, le fait que les personnes peuvent venir, pourquoi pas avec leur glacière, mais pour certains, ils peuvent se mettre les pieds sous la table s'ils le souhaitent. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ces à côté qui font cette ambiance typique du théâtre du peuple? Oui, alors il y a beaucoup de choses qui contribuent à la convivialité du lieu. Il y a l'accueil qu'on réserve au public, mais il y a aussi l'enthousiasme et la bonne humeur que nous ramènent les spectateurs quand ils arrivent sur le lieu du théâtre du peuple. Alors on les accueille avec une petite restauration, des boissons fraîches. On aura la chance de proposer à la carte les bières de La Fouillotte, qui est une brasserie d'Épinal, une micro-brasserie artisanale. On aura toujours des assiettes donc pour le déjeuner ou en soirée, des assiettes composées qui seront cuisinées sur place, des tartes aux myrtilles. Il y a des pique-niques qui sont proposés au groupe s'ils viennent donc à plusieurs. Il est possible toujours de venir avec sa glacière, son pique-nique pour s'installer dans le parc. Buvette, restauration qui seront proposées avant et après les représentations. Que ce soit pour le spectacle de 15h, les impromptus ou encore les spectacles à 20h. Et donc, notamment, il y a des fois des salles qui ont des capacités d'accueil plus ou moins importantes selon, par exemple, pas la grande salle. Bon, encore que vous avez une capacité d'accueil de combien pour la grande salle ? Alors, pour la grande salle, cet été, on peut accueillir jusqu'à 826 spectateurs en grande salle. C'est la jauge qu'on s'est autorisée pour les spectacles. Et pour la salle Camille ? Et pour la salle Camille, ce sera en petit comité puisqu'on pourra accueillir précisément 91 personnes en salle. Donc en fait, en fonction de son programme qu'on se concocte, il est préférable de réserver la plupart du temps. Ah oui, c'est sûr. Alors plus tôt vous réservez, meilleures seront vos places. Hein. Étant donné que les places sont numérotées, c'est sûr que s'il y a un conseil à vous donner, c'est celui-ci. Hein. Plus tôt vous y prenez, mieux ce sera pour vous. Donc en fait, formule pour la réservation, téléphone, internet. Alors, il est possible de réserver sur Internet, sur le site du Théâtre du Peuple, www.théâtredupeuple.com. Les réservations sont déjà possibles. Il est aussi possible de réserver par téléphone. Le numéro, c'est 03 29 61 50 48. C'est Gisèle qui aura le plaisir de vous répondre pour réserver vos places. Et il est possible de réserver aussi par mail si vous le souhaitez. Et l'adresse, c'est réservation au singulier, donc réservation@theatredupeuple.com. Et avant de nous quitter, bien vous pouvez peut-être nous donner quelques informations concernant cette épopée du Théâtre du Peuple, parce que ça, en fait, il y a quelques comédiens professionnels, mais ce sont surtout tout un mouvement de personnes bénévoles volontaires, on va dire, que ça soit côté artistique ou côté un peu toute cette mise en œuvre que ça va de la comment les repas, le parking, enfin, ce sont des dizaines et des dizaines de personnes qui sont mobilisées. Oui, en effet, on est au Théâtre du Peuple une petite équipe de permanents à l'année, on est 7. Et l'été, forcément, on a besoin de renforts, de forces vives. Et ces forces vives, c'est donc les bénévoles qui nous rejoignent pour nous aider à accueillir les spectateurs dans les meilleures conditions. Alors cette année, la particularité aussi, ce qu'a souhaité Simon Delétang, c'est d'intégrer les artistes dans ce travail d'accueil du public. Donc que ce soit à la restauration, au bar, au parking, au stand donc des produits dérivés, la librairie, le stand des glaces, vous pourrez, vous spectateurs, rencontrer les bénévoles qui font vivre le site du Théâtre du Peuple, mais aussi les artistes qui seront là pour accueillir le public. Et au niveau du plateau, on est aussi dans un partage, puisque par exemple pour le spectacle Littoral, la création de ce spectacle de 15h, la distribution est partagée entre comédiens amateurs et professionnels. Il y aura 18 rôles et donc 12 amateurs et 6 professionnels. Et certains des rôles importants sont tenus par des amateurs. Voilà, ce qui est quelque chose qui est important ici au Théâtre du Peuple et qui l'est aussi pour Simon Delétang. Alors, avant de nous quitter, cette émission sera rediffusée à différentes périodes au fil de cet été, mais avant le 26 août, puisque c'est la fin de la saison du Théâtre du Peuple, ce dimanche 26 août, est-ce que vous pouvez nous en parler davantage, notamment à partir de 18h30, il y a quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire du Théâtre du Peuple? Oh oui, en effet, oui, c'est le théâtre lui-même qui va être bouleversé, puisqu'on décide d'enlever tous les bancs, les centaines de bancs qui sont disposés dans la grande salle, pour créer un grand parquet, une sorte de dance floor qui va permettre aux spectateurs de danser au son de la musique, alors musique qui sera diffusée entre plusieurs textes. Puisque ce fameux dimanche 26 août, ce sera le dernier jour de cette saison d'été, et pour clôturer cette saison d'été, on a invité plusieurs auteurs qui font partie de la coopérative d'écriture. Donc ça s'appelle le bal littéraire, c'est un spectacle proposé par des auteurs. Alors pour les citer, il y a Marion Aubert, Fabrice Melchiot, Magali Mougel, Eddie Palaro et Pauline Peyrade. Et donc ils vont nous proposer des textes et nous les dire. Alors ce sera un moment assez unique puisque chaque texte sera dit une seule fois et puis ensuite on ne l'entendra plus jamais. C'est vraiment un moment unique et éphémère qu'on propose au public. Et chaque texte va inspirer une chanson, une musique qui va être diffusée dans la salle et au son de laquelle les gens pourront danser, s'exprimer, bouger, s'amuser. Et justement, ensuite, le Théâtre du Peuple ferme ses portes, mais pas complètement définitivement pour les rouvrir l'été suivant, puisque il y a aussi des créations, il y a des rendez-vous qui sont parfois proposés au public à d'autres moments de l'année. Et pour en savoir davantage, donc on se rend sur votre site, c'est le plus simple peut-être pour savoir ce qui sera proposé avant la saison 2019. Oui, il y a déjà quelques informations sur le site internet. Sont déjà annoncés deux temps de formation, puisque au Théâtre du Peuple, on a aussi, c'est très important de proposer des temps de formation, ce qu'on appelle des stages, où on invite un artiste à rencontrer un groupe d'amateurs. Il y a par exemple au mois d'octobre une semaine, un stage de jeu dirigé par Jean-Yves Ruff, sur La vie est un songe de Calderon. Et du 26 novembre au 1er décembre, il y aura un stage d'écriture dirigé par Julien Gaillard, qui est un compagnon de route de Simon Delétang. Tous deux ont déjà eu l'occasion de créer des spectacles ensemble.